Toujours à l'occasion de la journée du soleil, les familles de Chai Shidong, de Jiang Jifuan, de Liu Tongxi, de Fan Derin, chinois liés à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et leur suite, les familles de Park Il-sung, de Kim Tsul et de Sosunok, coréens en Chine liés à la lutte révolutionnaire anti-japonaise et leur suite, sont arrivés le 13 à Pyongyang par train.